frustration. Ce mot employé à tort et à travers a un sens profond et s'applique à de multiples domaines. Le dictionnaire nous en donne plusieurs définitions. Nous pourrions les résumer par l'insuccès d'atteindre un objectif, de recevoir ce qu'on avait espéré, imaginé ou programmé. Il s'agit donc d'une privation de contentement, de satisfaction, de bonheur. Un jeune homme qui avait échoué aux examens d'entrée à l'université a été tellement dépité qu'il arrêta complètement ses études. Un jour, il m'a dit « Je voudrais être pourri de richesse ». Mais il n'a fait que peiner jusqu'à ce jour. Il a eu un temps l'idée de devenir pilote de ligne. Il a juste réussi son brevet monomoteur. Rêvant d'une vie aisée, il a été obligé de travailler en fabrique, dans d'humbles services. Pauvre garçon, pauvre frustré. Que de frustrés aujourd'hui, peut-être êtes-vous de leur nombre. Écoutez donc le récit de la femme samaritaine, tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 4. C'est un récit palpitant, plein de suspense, de surprise. Et découvrez celui qui, comme il l'a fait pour la Samaritaine, peut changer et remplir votre vie et lui donner un vrai sens. La scène se déroule près de Sychar. Jésus est assis sur la margelle d'un puits lorsqu'une femme vient y puiser de l'eau. Jésus est extraordinaire. Afin de pouvoir donner, c'est lui qui demande. Donne-moi à boire. Avec cette requête, il réveille l'intérêt de son interlocutrice et le dialogue s'engage puisqu'elle répond immédiatement. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Il y avait en effet dans la demande de Jésus deux choses étonnantes. L'une était que lui, juif, s'adressait à une ressortissante de Samarie, car les juifs n'avaient point de relation avec les samaritains. L'autre était qu'il parle à une femme. Du temps de Jésus-Christ, les femmes n'avaient pas beaucoup de valeur aux yeux des rabbins. En principe, un homme ne pouvait pas converser avec une femme dans la rue, pas même avec son épouse. Ceci non seulement à cause des mauvaises langues, mais surtout à cause du peu de valeur qu'on accordait aux femmes. Les rabbins ne se seraient pas abaissés à enseigner une femme. Leur opinion sur elle était si lamentable qu'ils jugeaient impossible qu'une femme puisse saisir quelque vérité profonde. Cela nous explique l'attitude des disciples quand ils sont revenus de leurs achats en ville. Ses disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. N'oublions pas que Jésus-Christ a tenu à valoriser la femme et notre récit en est une preuve. Après avoir entamé la conversation, le Seigneur veut montrer à cette Samaritaine qu'elle ignore une chose essentielle. Aussi lui fait-il cette première déclaration. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Surprenant, vous êtes d'accord. Était-ce trop fort ou trop compliqué pour une femme de Sychar? La suite prouve que non. Toutefois, elle ignorait le don de Dieu, comme des millions l'ignorent aujourd'hui. Sans ce don, la personne de Jésus lui-même, pas de salut, pas moyen de combler le vide. Pascal, ce grand penseur du XVIIe siècle, avait bien dit qu'il existait dans l'homme un vide qui avait la forme de Dieu. Alors, tant qu'on ignore le don de Dieu, on est frustré, qu'on s'en rende compte ou non. Le connaissez-vous, le don de Dieu? D'abord, la femme ne semble pas comprendre. Mais aussitôt, on voit que le Seigneur l'avait bien mise sur la bonne piste, puisqu'elle demande. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Vous l'entendez, ce déclic? Elle comprend qu'il y a devant elle quelqu'un de plus grand que le père de la nation d'Israël. Ainsi, Jésus peut faire sa deuxième déclaration, qui est aussi magistrale que profonde. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Après le premier déclic, cette femme commence maintenant à vibrer, bien qu'elle ne puisse pas encore définir ses sentiments. Jésus peut donc se servir du puits où ils se trouvaient tous les deux et de l'eau que la femme est venue chercher pour illustrer des vérités qui la touchent de près. Il est tellement clair pour elle que le Seigneur ne parle plus de l'élément liquide au fond du puits. C'est de l'eau vive, c'est de la vie éternelle, c'est d'une vie avec Dieu que Jésus parle. L'eau de ce puits, figure de bonheur fictif, n'étanchera pas la soif du cœur humain. L'eau que le Seigneur donne peut seule l'apaiser. Notez à quel point cette femme avait compris l'image utilisée par le Seigneur, puisqu'elle ne se préoccupe plus du récipient pour puiser, mais dit tout spontanément. « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Chers auditeurs, vous savez et vous voyez combien les gens sont assoiffés. Le prophète Jérémie n'aurait pu mieux définir notre génération quand il s'exclame au nom de l'Éternel. « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. » La soif de l'âme humaine doit être étanchée, d'une manière ou d'une autre. On cherche, on creuse. Dans les philosophies païennes et les religions orientales qu'on prône tellement de nos jours, on s'abreuve de l'eau du show business ou à toute autre source. Est-ce que cette frénésie de satisfaction et de plaisir ne serait pas l'explication du problème des drogues ou d'autres vices? Et malgré cela, ou plutôt à cause de tout cela, quand on se rend enfin compte du vide en soi, on recourt au suicide. Le Seigneur l'a dit clairement, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Toutefois Jésus, au lieu de répondre à la demande de la Samaritaine, lui donne un ordre. « Va, appelle ton mari et viens ici. » Il veut maintenant montrer où conduit une vie sans le don de Dieu, sans l'eau vive. Aussi attend-il la confession de la femme. « Je n'ai point de mari. » Connaisseur du cœur humain, Jésus lui répond. « Tu as eu raison de dire « je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Quelle déclaration, quelle révélation! Avouez que même de nos jours, où adultère, divorce et concubinage sont à l'ordre du jour, nous sommes quand même un peu frappés de cette vie tourmentée. Pauvre femme, combien elle avait besoin de l'eau vive! Merveilleux sauveur qui, là au bord du puits, attendait cette femme malheureuse! Avait-elle eu de la malchance? Était-elle une victime, un jouet de la fatalité? Une chose est sûre, s'il y avait en Samarie une femme frustrée, c'était bien elle. 1, 2, 3, 4, 5 maris? Saint naufrage? Saint déception? Le bonheur n'était-il pas pour elle? N'y avait-elle pas droit? Certainement, mais un seul pouvait le lui procurer. Seulement, elle n'était pas encore prête à le recevoir, puisque maintenant, elle cherche à se cacher derrière une discussion religieuse. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Comme autrefois cette femme, de même aujourd'hui, quand Dieu veut convaincre quelqu'un de son péché, dans le but de lui pardonner et de l'en délivrer, on essaie d'entamer des discussions de religion. Au lieu de confesser son péché, on se barricade derrière les traditions religieuses de nos aïeux. Ce n'est pas le lieu de culte, mais l'état du cœur qui importe. Le Seigneur déclare franchement. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Comment cette femme pouvait-elle adorer le Père en esprit et en vérité, tant que le problème de son cœur n'était pas résolu? Le péché nous laissera toujours frustrés, mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Enfin, la Samaritaine arrive au point où elle peut recevoir révélation de Christ. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. À quoi Jésus lui répond ? Je le suis, moi qui te parle. Où en êtes-vous, chers auditeurs de notre programme ? Où essayez-vous d'étancher votre soif ? Qu'en est-il de votre vie ? Sans Christ, pas de solution vraie. Sans le reconnaître comme le Sauveur et Seigneur de votre vie, pas de changement pour vous. Sans lui, vous continuerez à vivre une vie de frustration. Votre situation vous paraît inextricable ? Confessez votre péché et ne vous cachez pas derrière votre religion. Ne mettez pas la faute sur les autres, mais croyez à la parole de Dieu qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Acceptez l'invitation divine. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Plus rien d'autre nous est dit de cette femme dans les évangiles. Mais les habitants de Sychar, par son moyen, ont pu dire de Jésus « Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Puisse-t-il être le vôtre ?